Mesdames et messieurs, bienvenue à cette édition spéciale de ce mercredi 27 avril 2022 que la rédaction Isanganiro a consacrée à la vie chère consécutive à l'augmentation des prix de produits de première nécessité, les difficultés de mobilité avec tout son cortège d'ennuis. Au menu de ce journal, en micro-baladeur en mairie de Bujumbura, nous ferons le tour de quelques-uns de nos correspondants pour planter le décor. Nous aurons des analyses des organisations impliquées dans la défense des intérêts des consommateurs ainsi que celles d'un spécialiste en économie. Voilà pour l'essentiel de ce journal présenté par Aïssa Liliane Inamahoro et mis en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Encore une fois, bienvenue. Les prix des denrées alimentaires de première nécessité au marché de Kayanza ces deux derniers mois ont augmenté sensiblement. L'exemple est celui du haricot qui est passé de 1200 à 1800 francs le kilo et celui du riz de 1300 à 2500 francs bout. L'administration provinciale de Kayanza met en garde les spéculateurs. Patrick Senghiyumva pour les détails. Comme l'indiquent certains acheteurs au marché de Kayanza, consommateurs des denrées alimentaires de première nécessité, il y a au moins deux mois que le prix de ces produits a sensiblement augmenté. L'exemple est selon lui celui du prix des haricots communément appelé kinouré, qui a grimpé à la demi-heure des 100 000 800 francs, au moment où celui dit jaune a passé de 2 000 à 3 500 francs. La flambée des prix de ces denrées alimentaires d'appeler les consommateurs n'a pas épargné le riz, où le prix du riz local appelé kigoli a passé de 1 300 à 2 500 francs, et celui importé en Tanzanie de 2 500 à 3 500 francs. Du moment qu'aimait le prix de l'huile a monté, celle de part, mais le prix a passé de 2 500 à 4 000 le kilo et celle végétale de 5 000 à 8 000 francs le litre. Les acheteurs disent qu'ils mènent une vie chère à cause de cette flambée des prix. Ils craignent le pire les jours à venir, étant donné, selon ces acheteurs au marché de Kayanza, que même le prix des légumes commence à monter. Pourtant, le prix des produits comme la patate douce, le caucase et la pomme de terre n'a pas encore grimpé de la même manière que ceux-ci ont cité. Interroger les vendeurs de ces produits dont le prix a beaucoup augmenté, ils nous ont fait savoir que pour certains de ces produits, ce n'est pas la période de la récolte. Une autre cause ayant aggravé la situation selon les mêmes vendeurs est le manque de carburant qui fait que le transport de ces produits leur coûte cher aujourd'hui. Au niveau de la direction en charge de l'agriculture, l'élevage et la protection de l'environnement à Kayanza, l'on ne réfute pas les arguments présentés par les commerçants sur ce sujet de la flambée du prix de certains produits agricoles. Adalan Nyonsaba, directeur, précise que ces prix diminueront les jours à venir avec la récolte de certains de ces produits. Vianen Dikoumana, chef du cabinet du gouverneur à Kayanza, lui, met pourtant en garde quiconque parmi les commerçants profitera de cette situation pour spéculer. Depuis Kayanza, Patrick Nsengiyumva pour la radio Isanganiro. Des habitants de la ville de Bujumbura disent qu'actuellement la vie est devenue très chère car les prix de presque toutes les denrées ont été revus à la hausse au moment où les revenus n'évoluent pas. La pénurie du carburant vient aggraver la situation et demande à l'État de régler cette question pour que la vie soit normalisée. Écoutez ceux qui se sont entretenus avec la radio Isanganiro. La vie actuellement est devenue difficile parce que s'il n'y a pas les bus, c'est-à-dire que rien ne marche pas parce que même il y a la hausse des prix, là je peux dire les marchandises, parce que celui qui a acheté le marchand va te dire non, voilà j'ai acheté ça, donc à un prix un peu hausse, pour dire que c'est très difficile alors de trouver ce que tu veux facilement. Et un autre problème que je peux dire, c'est qu'il y a aussi le retard au service, même que ce soit au niveau des écoles, que ce soit au niveau des différents services. Il y a même les personnes qui arrivent trop tard en disant « non voilà, je n'ai pas trouvé le bus », même s'il a eu moyen d'arriver à l'endroit du travail. Pour dire qu'il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de problèmes. À cause de la pénurie du carburant. Aujourd'hui, la population burundaise manque de choses essentielles. Elle manque de carburant, du sucre, pénurie en presque en grande partie du pays. Et si on manque de carburant, tout le monde se déplace par les voitures ou les bus. Maintenant, le déplacement des motos, des taxis verront, ils n'ont pas à temps pour la population de quelques quartiers. Alors, nous demandons à l'État de voir les choses les plus nécessaires, comme le carburant, le sucre, ainsi que les boissons de baroudé, qui viennent en abondance pour que la population vive bien dans leur pays natal. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation critique. Parce que la vie c'est cher. La vie c'est cher, pourquoi? Parce que aujourd'hui, ici au Burundi, les prix ont monté à cause du manque de carburant. Il y a un manque du sucre fabriqué par la société Sosumo. Je lance un appel au gouvernement du Burundi de trouver la solution, de résoudre son problème. Et oui, cette pénurie de carburant affecte également le secteur du transport en mairie de Bujumbura, où les citadins éprouvent des difficultés pour vaquer à leurs activités quotidiennes et pouvoir rentrer le soir chez eux. Suite au fil d'attente interminable, certains préfèrent rentrer à pied en groupe ou en solo, et d'autres payent ensemble des taxis dont les chauffeurs ont revu une hausse exorbitante des prix de transport. Et quittons Bujumbura, rendons-nous en province de Cibitoke, où c'est la même situation qui s'y observe. Des prix sont montés d'une somme variant entre 300 et 800 francs bouts selon les produits. Les vendeurs expliquent que cela est lié à la sécheresse et à la pénurie du carburant, ce que confirme le directeur du Bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage. Concernant le riz, cette autorité dit que ceux qui sont ravitaillés à Gihanga en province Bubanza viennent acheter ce produit à Cibitoke, puisque les riziculteurs de cette commune ont eu du mal à cultiver suite à la réhabilitation du barrage de Manda. Les détails avec Alexis Ndahiragije. Le kilo de haricots qui s'achetait à 1000 francs bouts s'achète entre 2500 et 3000 francs bouts selon la qualité. Le riz qui s'achetait à 1200 s'achète entre 2300 et 2500. En région de Baron qui s'achetait à 7000 francs bouts s'achète à 15000 francs bouts pour le moment. La tomate s'achète à 1000 francs bouts au lieu de 500 francs bouts. Le kilo de pommes de terre s'achète pour le moment à 1300 au lieu de 800. Le kilo de la farine de manioc qui s'achetait à 1000 francs bouts s'achète à 1300. Le kilo de maïs qui s'achetait à 800 Frambou s'achète à 1300. Là, c'est sur presque tous les marchés de la province Cibitoke. Les commerçants rencontrant marché moderne du chevreuil de la province Cibitoke affirment que cette montée de prix sur les produits de première nécessité a été due au climat qui n'a pas été bon suite à la sécheresse qui a endommagé les cultures. À part cela, ils précisent que la pénurie de carburant a fait que ces prix montent. La responsable du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage, Béatrice Nyabenda, elle aussi parle de la sécheresse qui a fait monter les prix des produits vivriers, mais pour le riz, elle indique que la demande est élevée. Presque ceux qui sont ravitaillés à Gihanga de la province de Bubanza se rabattent sur les marchés de Cibitoke, puisque les agriculteurs de Gihanga n'ont pas cultivé suite au barrage en réhabilitation. Le gouverneur de la province de Cibitoke, Karim Bizoza, quant à lui, demande aux commerçants d'éviter la spéculation suite à cette pénurie des produits vivriers avec la sécheresse qui a connu surtout les communes de Buganda et Rugombo. Et à cette pénurie de carburant qui a été enregistrée, tout en demandant aux agriculteurs de se préparer pour la saison qui va suivre si les pluies tombent normalement. Depuis Cibitoke, Alexis Ndahiragije, Radio Isanganiro. De l'ouest du pays, rendons-nous au sud, dans la province de Lomongue, où la hausse des prix au kilo pratiqué sur le haricot et l'huile de palme depuis février de cette année est de 500 à 1000 francs bouts le kilo, alors que le prix du kilo du sucre a doublé si on parvient à l'avoir. Les commerçants et consommateurs de cette province qui se sont exprimés demandent à l'État de stabiliser les prix. La disponibilité du carburant qui influence ces prix étant en préalable. Jean-Pierre Missago. À côté du haricot, qui a vu son prix au kilo augmenter de 500 francs burundais à 1000 francs burundais depuis février 2022, suivant la sorte, les grains de maïs ont vu leur prix au kilo augmenter de 200 francs burundais depuis février de cette année. Ce détaillant d'huile de palme note une hausse du prix au kilo de ce produit depuis février et craint qu'un bidon de 5 litres n'offlore les 25 000 francs burundais d'ici peu. Cet autre détaillant d'huile de palme explique qu'à part la baisse de la production des palmiers, la disponibilité ou non du carburant influe sur le coût de l'huile de palme. Le sucre produit par la société sucrière du Mosso s'obtient en toute confidentialité à 5000 francs burundais le kilo, alors que le prix officiel est de 2500 francs burundais le kilo. Cette détaillante explique que les doigts tout faire pour éviter la perte. Ceux qui se sont exprimés demandent au gouvernement burundais de faire respecter les prix officiels et surtout disponibiliser le carburant dont le manque paralyse tous les secteurs. Pendant ce temps, une bouteille d'Amstel 65 centilitres s'achète à 2500 francs burundais. La bouteille presque partout dans la ville de Rumonge, au lieu de 1900 francs burundais, la bouteille est prix officiel et tout se passe comme si c'était dans la légalité. Jean-Pierre Misago depuis Rumonge, Radio Isanganiro. Merci Jean-Pierre Misago. La deuxième campagne de collecte et vente des produits vivriers a débuté le 21 mars cette année sur le territoire national. Le ministre en charge de l'agriculture l'a annoncé dans un point de presse. Deo Guide Rurema a indiqué que les prix d'achat et de vente sont également fixés par son ministère pour le maïs, le riz, le haricot et la pomme de terre. Il interpelle les agriculteurs à veiller sur leurs intérêts afin qu'ils puissent être bien rémunéré, on l'écoute. Concernant les prix pour le maïs grain sec, c'est 800 francs par kilo chez le producteur, 1100 par kilo au niveau de la Nagessa, 1200 francs par kilo au niveau de la vente. Pour les pommes de terre, c'est 700 francs le kilo chez le producteur. Pour le riz padi grain court, 1200 chez le producteur, 1500 chez Anagessa, 2200 à la vente. Pour le riz, padi grain long, 1300 francs chez le producteur, 1700 francs chez Anagessa et 2400 à la vente. Pour le haricot jaune, 1400 francs au kilo chez le producteur, 1800 chez Anagessa et 1900 à la vente. Pour le haricot dit homogène, 1300 francs. Le kilo chez le producteur, 1700 chez Anagessa et 1800 à la vente. Pour le haricot dit mélangé, 900 francs le kilo chez le producteur, 1300 au niveau de l'Anagessa et 1400 francs le kilo à la vente. Les préparatifs vont bon train et nous en profitons pour annoncer officiellement l'ouverture de la deuxième campagne de collecte et d'achat. Et nous invitons la Nagessa et ses collaborateurs de commencer la collecte et l'achat de la production à travers tout le pays selon les prix s'y fixés. Demandons à l'administration et les forces de l'ordre et les services d'encadrement de continuer à travailler en synergie pour assurer le suivi et faire respecter ces prix fixés à travers tout le pays pour l'intérêt de la population et du pays. 13h11 dans les studios de la radio Isanganiro et au sein de l'Association burundaise des consommateurs, l'on estime que l'État devrait détaxer les produits de première nécessité. Pierre Ndouaille, président de cette association, ajoute que les transporteurs de biens et des personnes devraient être servis en carburant afin de freiner la hausse des produits de base. Et c'est vrai, ces derniers temps, nous constatons une hausse vraiment exagérée des denrées de première nécessité. Et la pénurie du carburant est venue envenimer la situation qui était vraiment déjà très difficile. Mais ce n'est pas vraiment pour la première fois, mais dans les années antérieures, nous avions assisté à une rareté de produits dans les années 2013, dans les années 2017. Et le gouvernement avait quand même consenti des efforts en détaxant ces produits de première nécessité pour permettre que les importateurs les acheminent de l'extérieur et comme ça, ils nous arrivent à moins cher. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, le gouvernement devrait explorer cette voie pour essayer de détaxer ces produits de première nécessité qu'il avait même détaxé dans les années passées afin de permettre à la population burundaise de se nourrir. Concernant le carburant, c'est vraiment une situation qui est intenable, mais c'est une situation que nous observons, même sur le plan international, et nous pensons que dans ces jours-ci, le gouvernement devrait privilégier les transporteurs en commun, et que ce soit les bus et les minibus, mais aussi les camions qui transportent les denrées alimentaires, et comme ça, ils seraient servis en priorité pour permettre à une grande partie de la population de se déplacer, mais aussi permettre à ce que le transport des vivres et ce que d'autres marchandises arrivent chez la population qui en a besoin et dans des conditions quand même pas difficiles. Et après, ça sera le tour de ceux qui ont des véhicules privés de s'approvisionner, mais après que ceux qui font le transport en commun aient déjà eu le carburant. Et aussi informer les stations qui sont en train de servir le carburant, mais quand même de l'ordre en essayant de préciser quels sont les véhicules prioritaires. Et ça peut un peu soulager la situation qui est vraiment intenable pour le moment. Il n'y a pas de hausse généralisée des prix aujourd'hui, mais on peut parler de rationnement du carburant, faisant que certains produits montent de prix. C'est du moins l'explication du professeur d'université et économiste Gilbert Niongabo, qui appelle le gouvernement à s'asseoir avec les importateurs des produits pétroliers afin de diminuer le choc des conséquences sur la vie quotidienne. Suivez-le. Moi, je ne dirais pas qu'il y a d'abord hausse généralisée des prix. Je pense que le premier phénomène que nous observons, c'est la pénurie. Donc, la pénurie de carburant. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas dire que, par exemple, le carburant coûte plus cher qu'avant. Non. Mais on a vraiment des difficultés à s'en procurer. Mais la deuxième conséquence de la pénurie, c'est que cette forme presque de rationnement que les importateurs sont en train de faire, et que peut-être même les distributeurs sont en train de faire, ils sont en train de rationner. C'est-à-dire qu'on vous donne vraiment le minimum de quantité de carburant. Et ce qui fait qu'il y a toujours des files d'attente. Et tout ça, ça doit avoir des conséquences sur les prix. Les prix des services, les prix de tout ce qui est vraiment lié, corrélé avec le carburant, ce qu'on peut dire. Ici, je ne parle pas des denrées de style sucre, bien autre chose. Maintenant, on s'attend à quoi? On s'attend qu'il y a un problème de base, soit il y a un problème de prix sur le marché international, auquel cas les prix nationaux doivent s'ajuster. Donc ça veut dire qu'en fait, l'État qui est le régulateur, à travers le ministère de l'hydraulique, énergie et mines, je pense qu'ils sont obligés de s'ajuster par rapport aux prix internationaux. Parce que ce sont des produits que le Burundi le produit, parce que ce sont des produits qui sont importés. La conséquence, c'est que d'ici peut-être quelques jours, quand ils vont peut-être fixer ces prix, on parlait souvent de hausse généralisée, parce que ça va affecter tous les autres produits qui sont liés avec le transport. On sait qu'on produit, disons, assez selon certaines opinions des autorités, qui a une bonne production. Quelle est votre lecture aujourd'hui? Moi, je peux peut-être parler de deux phénomènes. Le premier phénomène dont on parle ici, c'est peut-être la pénurie de sucre. Bon, la pénurie de sucre, ça, c'est un problème de régulation. Comment est-ce qu'on gère la production de la Sosombo par rapport à la demande actuelle? Alors, le Burundi, normalement, il faut savoir que, géographiquement, quand même, il faut savoir que la demande burundaise, c'est pas seulement la demande des Burundais. Les pays voisins peuvent aussi venir ici. Donc, c'est vraiment, il faut que vraiment les gens comprennent que le pays tel qu'il est situé, c'est pas une demande de type burundo-burundaise. Maintenant, on est dans l'intégration régionale. Deuxième phénomène, peut-être qu'on observe, qu'on ressent le plus, c'est le carburant. Parce que le carburant entre dans le transport entre dans presque tous les services. C'est là où on a peur d'avoir une hausse généralisée des prix qui est liée à la pénurie de carburant ou bien qui est liée à la hausse du carburant sur le marché international. Parle, rassure-moi. Chaque groupe entretient une mémoire de ce qu'elle a vécu et c'est tout à fait normal. C'est selon l'historien Évariste Ngaïmenda. Toutefois, il trouve que le meilleur est de savoir la gérer pour bâtir un destin commun et cela pour éviter la recrudescence des violences. Il trouve que l'État a le premier rôle dans la gestion de ses mémoires à travers les structures qui sont au service de la nation. Ornella Mucho nous fait le point. Les mémoires parallèles sont la présence sélective des souvenirs du passé dans une société donnée, le plus souvent conflictuelle. Professeur Évariste Ngaïmenda, historien, précise que plus ces mémoires s'éloignent, plus elles s'affrontent. Quand vous entretenez des mémoires parallèles, en fait, vous éloignez cette opportunité de convergence des mémoires. Et donc, vous déchirez carrément la nation. Ça veut dire que vous perpétuez la division, vous perpétuez le conflit. En perpétuant le conflit, vous créez le lit pour des conflits ultérieurs. Bref, vous hypothéquez toutes les chances d'épanouissement d'une nation, toutes les chances de développement d'une nation. En un mot, vous sacrifiez même les générations ultérieures parce qu'elles grandiront dans cet environnement de conflictualité. La première institution responsable de la gestion des mémoires parallèles, c'est l'institution étatique, avec toutes ses structures crédibles. La gestion de la cité dans tous les pays du monde appartient à l'État. L'État, à travers les gouvernements qui se succèdent et les services qui sont au service de ces gouvernements, qui sont créés, qui sont gérés, qui sont régentés par ces gouvernements. Il appartient donc à l'État de contribuer à bâtir une nation, de contribuer à cimenter l'esprit, le destin commun. Et par rapport à ça, l'État a beaucoup de moyens. Toutefois, cette gestion devrait passer par la sensibilisation dès le bas âge dans les écoles. Le premier moyen qu'il a, c'est l'institution scolaire. L'institution scolaire est là pour servir de creuset, de construction, de l'intégration nationale. Le concept d'éducation nationale signifie précisément que les promotions, les générations scolaires passent plus ou moins à travers le même moule en termes de valeurs partagées. Et ces valeurs sont universelles. Il y a des valeurs universelles qui sont enseignées partout. Et de la sorte, l'écolier de son jeune âge, plus tard quand il sera élève, quand il sera étudiant et plus tard cadre, apprend à être un membre de la cité, à se comporter comme citoyen et non pas à se comporter par rapport à son identité sectaire, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit ethnique, qu'elle soit régionale. Professeur Evariste Ngaïmenda prouve également que les confessions religieuses ont un rôle majeur dans l'apprentissage des valeurs morales et positives. Et voilà, point final à cette édition spéciale que la rédaction Isanganiro avait consacrée à la vie chère consécutive à l'augmentation des prix des produits de première nécessité et les difficultés de déplacement. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci à François Akimana pour sa parfaite collaboration technique. Merci à Francine Ndehokubgayo pour la réalisation de ce journal, le journal qui vous a été présenté par Aïssa Liliane Inamaholo. Très bonne suite des programmes sur la radio Isanganiro. Au revoir.